You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et bonsoir, bonsoir. And then the echo respond, bonsoir Freddy, because I'm by myself. So tonight, because Romain is leaving tomorrow, he was unable to make it tonight, but I was able to prepare a playlist for him. So instead of him preparing the playlist, I went back to some of the things that he liked, and I created the playlist based on that. And he sounds like, I mean, he had a look at to it, and he looked at it, and he seems like he liked it. So you might not be listening tonight, because it's his last night in Minnesota for a moment, and he's moving back to France for a while, and he'll come back eventually, but and he'll come back in the studio when he's around, but it's gonna be a while. So let's wish Romain, like, you know, safe travel and a good transition, and that everything goes fine and the way as smooth as it can be. So well, this is Freddy, and we're going to start tonight by listening to some music. So the first one is kind of a surprise for Romain, because he doesn't know about it. I just got the track, like, this week. It's so it's Monsieur Ours, or Mr. Ours. Ours means bear in French, and the guy is French. And he's doing a remix of some of the famous songs. But here, he's done a remix of Nounours, with the song Bonne Nuit Les Petits. So when we were kids, there was a TV show called Bonne Nuit Les Petits, means like good night little ones, and Nounours was in there, and Nounours was like pom pom pom pom pom pom. There was Nicolas and Pimprenelle, and it was a fun show for the kids. And so the music was well known, and Mr. Ours did a remix of it, so that's going to be fun. Then we're going to listen to Philippe Timsit with Henri Porte de Lila. Henry is at Porte de Lila. The port in Paris are like at the edge of the city. So like Port Saint-Denis was the old ages, and then by the peripheric you can find Porte de Lila. Lila is lilac, and that's one of the places in Paris. And he's asking if the person is recognizing him. So, Philippe Timsit. And then we're going to listen to Mort Schumann with Un été de porcelaine. And it's from a movie called L'Hôtel de la Plage, the hotel by the beach. And Un été de porcelaine means like a porcelain summer. All right, on y va. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Comme le ciel est beau ce soir, patron. Il a l'air en fête. En effet, Nounours. Eh bien moi, je descends faire la fête avec Nicolas et Pimprenelle. Tremblement de ciel. Bonsoir les enfants. Bonsoir. J'espère que tu te souviendras de moi, Henri de la Porte des Lilas. J'étais le bassiste des toreros. Je t'accompagnais au golf Drouot. On inventait les yeux, les hauts chéris. On balayait Tino Rossi. Souviens-toi de moi, au cassette ou à l'Olympia. Y'avait des filles plein des coulisses. Tu roulais par terre comme Elvis. Quand je suis rentré du service, je t'ai entendu à la radio. Tu vendais des millions de disques. On parlait plus des toreros. C'était sûrement les plus belles années de ma vie. J'y pense souvent aujourd'hui. Souviens-toi de moi. Ça fait 20 ans que t'es une idole. En France, t'es le roi du rock'n'roll. Souviens-toi de moi. J'étais sur scène devant tes toits. Avec nos guitares électriques, on avait changé la musique. Chante toute la journée, je travaille ma basse, je suis prêt à recommencer. Souviens-toi de moi, j'étais le bassiste des toreros, je t'accompagne au golf Drouot. Souviens-toi de moi. J'étais sur scène devant tes toits. Je faisais yé-yé, wap du wap. T'aurais peut-être du boulot pour moi. Henri, Bob Delilah. il y a 15 ans à peine. Il y a 15 ans déjà, ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Un été de porcelaine. Première fois qui chavire et se déchaîne et balbutie ses premiers pas. I have never forgotten that one summer you were mine on a lonely beach. Sweet kiss and you promised to be mine forevermore. Des étés de porcelaine, j'en ai connu après toi. Le goût que tu le donnes. Un jour j'ai revu la plage, j'ai retrouvé des enfants. Et voilà, voilà, are you listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio? This is Freddy. And tonight is a special Romain, because Romain, our friend, is living back to France for a while. So I picked songs for his playlist, and we just heard Monsieur Ours with Monsieur Ours et Nounours with Bonne Nuit Liberty. And before the songs, I was talking about Nicolas, Pimprenelle and Nounours. But there's also the Sandman, Le Marchand de Sable, that where he was helping the kids falling asleep. Then Philippe Timsit with Henri Porte des Lilas. And just now was Mort Schumann with Un été de porcelaine. And we're going to keep on going. We're going to listen to Charles Aznavour with La Bohème. Then Raphaël with Caravane, and Daniel Balavoine with La Ziza. On y va?

Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Mes Soeurs on KFAI Radio. We just heard three songs and some of the ones that Romain likes. Charles Aznavour with La Bohème, it was a studio version. Then Raphaël with Caravan, which is the same word, caravan. And Daniel Balavoine with L'Aziza. Balavoine was died fairly young and left too soon. And it's a song about peace in general and respect. All right, we're going to keep on going with the playlist for Romain, not by him this time. We're going to listen to Léa Apache with Le Coup de Soleil. It's a live version from Le Grand Studio RTL. And it's a cover from, it was Richard Carpenter, it's a very nice cover. Then Julien Doré with Moi Lolita. It's a cover from Alizé. And he, when he started at Star Academy or whatever, whatever idol show it was in France, he succeeded with these songs, Moi Lolita, that was already one of the cover. But in 2024, he came out with an album of covers, and the name of this album is Imposteur. And it's only covers, and this is one of them. And then we're going to listen to Clara Luciani with her classic La Grenade from her album Sainte Victoire. All right. On y va. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. C'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin et j'endors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je vais faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau, les pluies d'été. Je fais du bateau dans mon quartier. Il fait si beau, la mer est calme. On peut ramer, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là. J'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, de visiter ton paradis. m'appelle Lolita. L'eau bien là, du pareil au même. Au moins, je m'appelle Lolita. Et quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Au quand fourche ma langue, je la. Un fou rire aussi fou qu'un phénomène. Au moins, je m'appelle Lolita. L'eau de vie, nos amours, ils viennent. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elitea, moi Lolita. Oh moi, je m'appelle Lolita. Aux collégiennes, aux bas bleus de mes dilemmes. Oh moi, je m'appelle Lolita. Aux coléreuses et pas mi-coton, mi-laine. Maudit ce bouche qui ne dit pas. Oh, à maman que je suis un phénomène. Oh, moi, je m'appelle Lolita. Oh, l'eau de vie, l'eau. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elitea, moi Elitea. Lolita. Sous mon sang là, regarde, sous qu'un animal. Déguisé au matin. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sang là. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting Caitlin Cassidy's new album release show, Thursday, September 4th. Caitlin Cassidy celebrates the release of her new album, North Star. The album blends dreamlike piano textures with Caitlin Cassidy's introspective lyrics. Joining celebration to open the show are Emmy Woods and Lexi Modica. More information about Caitlin Cassidy's album release show with Emmy Woods and Lexi Modica is available at thecedar.org. Et voilà, this is Freddy. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Tonight is a special Romain because he's going back to France for a while. He's been helping us since 2017 or something. So, we've been playing a lot of things together, went to a lot of concerts, and it was a good time. And more to come, because I'm joining him back in November, where I'm going to travel. And going back to, I'm going to go to Paris for about 2 weeks, and we're going to go to a concert together. We're going to go see Aimé Simone, who's a French artist that we had the chance to interview a month or two ago. And we never played the interview yet, but it's going to play soon. I'm planning to play it during the 24 hours of Frenchness, so which Romain said he would participate as well. So Romain and probably his daughter Chloe as well. So that'll be cool. 24 hours of Frenchness. If you're curious about it, you can go to bonjourminnesota.com and go to the special events. And there was the one from last year, and I'm doing it again. It's going to start on Saturday, September 6th at midnight, and it's going to end at 11:59:59. And it's going to be 24 hours of French music, or even like other, I mean, that might not all be music. There might be interviews, there might be other things. And when I say French, it's like music in French or French or Francophile or Francophone artists. So there might be quite a bit of diversity. And so I'm going to do that. And it's going to be on kfai.org. You just have to go to KFAI AFA2. So follow us on social media, whether it's Instagram or Facebook. We'll have posts about it. I created an event, and the schedule is up and coming. But I can tell you it's going to be like tribute to Serge Gainsbourg. We're going to hear some disco. We're going to hear some North African music. So, yeah, a lot of diversity. All right. So we just listened to Léa Passy with Le Coup de Soleil. It was a live version from Le Grand Studio RTL. RTL is a radio. Radio Télé Luxembourg. And they're originally Belgium, but very well implanted in the French path of the radio. Then Julien Doré with Moi Lolita from his album Imposteur. And then Clara Luciani with La Grenade. Now, we're going to listen to Véronique Sanson with the song called Amoureuse, or In Love. It's from Les Années Américaines. And Pierre de Maher with Un Jour Je Marierai Un Ange, very successful. It's from his album Regarde-moi. So it's a couple of years. It was 2023, but he's still strong. And then we're going to listen to Claude Nougaro with the song Armstrong, and it's alive from 1989. It was at the Zenith. Zenith made in Nougaro. So the Zenith is a venue in the outskirts of Paris. So, all right, on y va. Une nuit, je m'endors avec lui. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un remords. Et l'aurore m'apporte le sommeil. Arrive le soleil, mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Quand il me serre contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le destin m'en sorte, je prie pour que le diable m'emporte. Oh. Montre son visage, et elle me force à parler son langage. Mais quand je prends sa tête entre mes mains, je vous jure que j'ai du chagrin. Toute ma tête.

blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans trêve ni repos, qu'on soit. Un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Support for KFAI comes from First Avenue presenting The Damned, Thursday, September 18th. The UK's first punk band are back with their latest release, Darkadelic. David Vanian, Captain Sensible, Monty Oxymoron, Paul Gray, and Rat Scabies bring The Damned's signature vampire goth punk sound to life for this one-night-only performance. Opening the show are The Delrays and Travaramo, Fa Fa Fa. More information about The Damned at First Avenue is available at first-avenue.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. And we just, this is Freddie, and we just listened to three songs dedicated to Romain. So the first one was Véronique Sanson with Amoureuse. It was a live version from Les Années Américaines. Then Pierre de Maher with Un jour je marierai un ange, which Romain has been able to go see live in concert. And then Claude Nougaro with Armstrong. And it's an homage or tribute to Louis Armstrong. And it's a live from 1985 at the Zenith. And we're going to keep on playing songs from the playlist that I put together for Romain, because Romain is leaving us for a while. He's going to go back to France to live there in the city called Nantes, on the western side of France. I mean, it's in Brittany. And yeah, we went together to a lot of concerts. We did a lot of shows together. He was very present and a good friend. So I'm happy that he can do what he likes to do and like follow and go to Nantes. So, and I'm going back in November, so I'll see him then. We're going to listen to three songs. The first one is called Partenaire Particulier, and it's the name of the song, but it's also the name of the band, and that was their big success in the 80s, late 80s, I would say. Indochine, L'Aventurier, so it's more like early 90s. And Big Flo et Oli with Coup de Vieux. That is much more recent because it's from 2022, from their album Les Autres C'est Nous, The Others It's Us. It's a lot about tolerance and things like that. And Coup de Vieux is kind of making fun of people who are living in nostalgia. So, and it's featuring Julien Doré. And before I go to the music, I want to remind, if you heard about it, remind you. If you didn't, letting you know that on September 6th on KFAI.org, KFAI FA2, there's going to be 24 hours of Frenchness. And the 2025 edition is going to be excellent. So I hope you'll tune in for that. All right, on y va. Thank you. Ma génération, elle a tout oublié des révisions du bac. Elle veut un dealer, pas trop loin de la fac. Elle a grandi, elle s'en branle du regard des gens. Elle veut un coup d'un soir, mais qui dure deux ans. Elle faisait des tours géantes en capla et le tour du monde sur un carta. Elle grattait une piscine pour passer le mois d'août. Elle comptait des centimes pour s'acheter une couille de mammouth. Des fois plus de cadeaux, les parents séparés. Elle s'est inscrite à la salle, mais n'y est jamais allée. Le lait, toujours après les chocs à pic. Elle assume pas, mais elle a dansé la tectonique. Défoncée, elle mate les zinzins de l'espace. Elle écrivait des trucs au blanco sur l'ISPAC. High School Musical, Anna Montana, karaoké du lac du Connemara. C'est des ré, des rats, des ré. Personne comprenait, mais tout le monde chantait. Dans son salon, elle a des panneaux de chantier. Elle les collectionne quand elle est bourrée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. C'était mieux avant, remonter le temps. Premier cheveux blanc, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. Premier cheveu blanc, j'ai pris un coup de vieux. Aux 40 piges, j'ai connu Zelda. J'ai vu jouer Regine et JJ Okocha. Génération spleen, booster ou 103. Les années défilent, qui se souviendra? Ma génération, elle voudrait dormir, elle est épuisée. Réussir ses partiels sans les réviser. Faire la tournée des bars jusqu'à 4h du mat, puis se taper des bars devant Mission Cléopâtre. Encore choquée par Happy Tree Friends, la farine sur le chewing-gum de 2 mètres. Elle a eu des Magics, elle a eu des Pogs. Sur le 3310, il y avait Crazy Frog. Big Baby Pop, rêve de Tokyo. Elle buvait un yop devant Cole Lyoko. À cause de Tony, elle voulait faire du skate. C'était Picasso quand elle était sur Pain. Déjà nostalgique de l'ancienne époque. Elle voudrait prouver à ses parents qu'ils avaient tort. Elle s'en fout un peu de savoir ce qu'il y a après la mort. Elle débat sur qui était le meilleur Pokémon. Brûler les fils de son Scooby-Doo. Dans la cuisine avec Adibou. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveu blanc. J'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveu blanc. Les années défilent sur le podium du spleen. Pokémon, Titeuf, Beyblade, Diddle. Je t'ai cassé comme Brice de Nice. MSN, envoie-moi un whiz. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Support for KFAI comes from The Dakota, presenting Ben Sidran, Tuesday, September 2nd. Jazz pianist, singer, songwriter, author, producer, and music journalist Ben Sidran returns to the Dakota stage with his latest release, Rainmaker. Recorded in France, Rainmaker is a collection of original songs that channel life's complexities. More information about Ben Sidran at The Dakota is available at dakotacooks.com. Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio every Tuesday, 8 to 10 p.m. And all the shows are recorded and archived. So if you miss us, well, like 2 hours later, it's already like in the archive. So you can listen the next day and for about 2 weeks. And if you want to go back further than 2 weeks, you may have to go to archive.org where I have all the shows stored since 2012. I didn't start in 2012, but that's the date, the further back I could go. So this way you can listen to the next day or same week. We just listen to Partenaire Particulier with the song Partenaire Particulier, then Indochine with L'Aventurier, and Big Flo et Oli with Coup de Vieux. Big Flo et Oli that Romain has been able to go see in concert in France as well, so along with his daughter. We're going to keep on going, but before keeping on with the music, I'm going to talk a little bit about the events coming up. So this week on Thursday between 6 and 7:30 p.m., apéritif en français. Apéritif is like happy hour kind of deal, so I guess it's normal that it's p.m. It's at the University Club of Saint-Paul. They're located at 420 Summit Avenue in Saint-Paul. And if you want more specifics, you can go to afmsp.org. But, you know, yeah, between 6 and 7:30, you're going to have people over there who will be willing to speak in French. I mean, it's a French conversation group. And the difference from the other French conversation group is that this one is at the University Club. So it's a nice surrounding and there's a bar. Often the conversation groups occur like either in park or coffee shop. So in Minneapolis Park, you're not supposed to drink alcohol. I know some people did it, but I won't give any names. On the 25th, Monday, August 25th, and it's between 6 and 7 p.m., the Federation of the Alliance Française USA is gathering for discussion on a movie. And this time, the movie on the 25th is going to be L'été dernier, or The Last Summer. It's a movie from Catherine Breillat and with Léa Drucker. And it's available for streaming and you can watch it independently and then getting together for a free conversation with a film expert. This month's discussion will be led by Peter de Bruges, chief film critic at Variety. And sounds like fun. So if you want more specific or register for it, because it's going to be a Zoom thing, you can go to afmsp.org. All the events I was talking about are also listed on our Facebook page in the event and on the AFMSP Facebook page. On Wednesday, August 27th, between 5 and 6 p.m., French for Business courses. So this is not the course itself. It's the free virtual information session. So it's online for with the Alliance Française, and they're offering French business courses for speakers who use French in their workplace. And you can join them on Zoom for a free information session about the upcoming business classes for the fall 2025. So feel free to register at afmsp.org, or you can call at 612-332-0436. This is the Alliance Française phone number. I'd go online. And then Thursday, August 28th, opening night reception of Urban Meridians, the Feng Shui of Paris, an exhibit by Monica Helen, is going to be at the Alliance Française itself. It's the opening, so the good thing about it is like you get to see the artist and talk to them. Otherwise, it's going to be at the Alliance Française up to September 27th at the gallery. And the Alliance Française is 227 Colfax Avenue South. Colfax Avenue North, sorry. And it's in Minneapolis, Minnesota. And same thing, if you want more specifics, afmsp.org. And that's it for these upcoming weeks. There's going to be more coming up, like in September. I was talking earlier about the 24 Hours of Frenchness on 2025 session on KFAI FA2, Petit Dej, Rochester Coffee, some party for the end of the summer or after work at Troubadour Wine Bar. So there's going to be quite a few events. Book Fair, Francophile Book Fair in the Alliance Française, Polo and Pan, September 23rd at the Palace Theatre. And Polo and Pan, they are like electronic performers, DJs, and they are doing remix of other songs and their own compositions. There's going to be Cine Club, there's going to be Cine Kids. So, yeah, check it out. Facebook page, either ours or the Alliance Française. But if you go to ours, you see events from other people. So, like Polo and Pan, for example. Yeah. All right. Well, let's get back to music. Romain has been helping co-host the show since 2017, and he's going back to France for a while, so he's not going to be as present. But if he comes back to Minnesota for vacation or seeing the in-laws and things like that, he'll probably stop by the studio. So in the meantime, the playlist tonight is for him. So we're going to listen to Benabar with Le Dîner, or The Dinner. And it's a Benabar is very sarcastic and very funny. And it's about they're invited to a dinner and he doesn't want to go. And he's finding all the excuses in the world to not go. Then the band called Les Innocents with L'Autre Finistère, The Other Finistère. Finistère is a department in Brittany. And it's to talk about like another aspect of Brittany, not the one that everybody knows. And then Bébé Brune with La La Love You. And it's from their album Nico Teen Love. All right, on y va. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué. Ils nous en voudront pas, allez, on y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis. Mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime. Et il se trouve que par hasard, il y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus, il y a des extraterrestres. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. J'ai des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste. Comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi la télé et moi. Ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier. Mes vents du nord m'étonnent. J'expire un Shakespeare très français. Si les locutions traînent, l'intention y est quand je fais I love you. Dans un vase oliflore, j'ai mis ma plus belle fleur. Je la porte à mon cœur et prie et vois cet amour éclore. J'étais hier comme un loup gris, hurla la lune est morte. Ma vie ce petit colibri d'une volupté colore. Elle me dit qu'elle n'aime que les slow en anglais et j'expire un Shakespeare très français. Si l'élocution traîne, l'intention est reine quand je fais I love you. J'expire un Shakespeare très français. Si l'élocution traîne, m'en veux pas, lady, when I say I love you. Et voilà, voilà. We just listened to three songs. You're listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. And tonight's playlist is dedicated to Romain. We listened to Benabar with Le Dîner, then Les Innocents with L'Autre Finistère, and Bébé Brune with La La Love You. And we're going to keep on going until 10 o'clock. We talked a little bit about the events earlier. And the fact that on September 6th on KFAI FA2, so it's only online, it's not on 90.3 FM, KFAI FA2, there's going to be 24 hours of Frenchness, which means that every 2 hours to 1 hour, depending on the show, there's going to be something in French. And a lot of people are going to participate to it, so I can tell you that I have already some things that are ready, but I think I'm really looking forward to see what my friends who decided to pitch in will come up with, and that's going to be fun. So Romain is leaving us back to France for a while, and this place is for him, songs that he likes. We're going to listen to Colt. Colt is a new girl, woman, band, I'm not sure. The name of the song is Demi-Mot, Half Words, which is like when you kind of don't say everything you have on the heart, or like you make people guess some. And Romain, I really liked it right away. It's pretty catchy. Then one of the classics that Romain likes a lot is Michel Legrand with Les Moulins de Mon Coeur, from L'Affaire Thomas Crown, and it's alive at RTS, The Windmills of My Heart. And then we're going to listen to Eddie Mitchell, and the song we're going to listen to is Comme Quand J'étais Môme, the way, exactly like when I was a kid. And it's a live version. All right, on y va. Programming on KFAI is supported in part by Health Partners. Minnesotans age 65 plus might qualify for Health Partners Minnesota Senior Health Options. The plan includes personal support, coverage for medical, prescription drugs and dental, plus many extra benefits. Eligibility information is available at healthpartners.com/oneplan. Health Partners is a health plan that contracts with both Medicare and the Minnesota Medical Assistance Medicaid program to provide benefits of both programs to enrollees. Enrollment in Health Partners depends on contract renewal. More information at healthpartners.com/oneplan. Support for KFAI comes from Crooner's Supper Club, presenting Gifted Hands, Sunday, August 31st. Gifted Hands blends gospel, jazz, neo-soul, and African rhythms into a genre-defying sound. West African drums are fused with contemporary harmonies to create a blend of ancestral grooves with modern soul. More information about Gifted Hands can be found at croonersmn.com. Ici tout brille et il fait beau. Je me sens sensible, je me sens un peu mieux. Je veux pouvoir sourire à ta place quand tu veux. Je vois ton visage, je le vois dans tous mes efforts. Pour tourner la page, mais te garder aux premières loges. Je veux combler mes entailles, mais je veux garder le sublime. Et partout où que j'aille, je veux que tu sois dans ma poitrine. Je veux sentir mon cœur se battre jusqu'à ce qu'il me perfore. Nos fous rires sont mon moteur, je veux respirer deux fois plus fort. Je veux savourer les heures, comme pour attraper les tiennes. Je veux vivre en ton honneur, parce que je peux, parce que je t'aime. Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa les mains d'un enfant. ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan. Comme le chemin de ronde font sans cesse les heures, le voyage autour de tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle et de rond dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom. Tous les moulins de mon cœur. Comme quand je t'aime. dormais seul dans mon lit. Depuis que t'es parti, j'ai peur des fantômes, comme quand j'étais mort. Peut-être pas le héros t'imagines, mais faut que tu viennes jouer dans ma vie. Mon Walkman en solo n'amuse plus mon ego. J'ai grandi, je suis pas comme E.T. Je veux rester ici, ice cream et sweet home, comme quand j'étais beau, comme quand j'étais beau, comme quand j'étais beau, comme quand j'étais beau. Comme quand j'étais môme, comme quand j'étais môme, comme quand j'étais môme, comme quand j'étais môme. Et voilà, voilà. You've been listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. I'm here until 10. And tonight is dedicated to Romain, who's been co-hosting the show for since 2017. Has been coming on and off and more on than off. And we've been sharing a lot of playlists and guests and concerts. And so tonight is for him. He's going back to France for a while. We just listened to three songs. The first one was Cult, fairly recent, 2025, with a song called Demi-Mot. Then after that, it was Michel Legrand with Les Moulins de Mon Coeur from L'Affaire Thomas Crown, and it's from 1976. It was live at RTS. And then just now was Eddie Mitchell with Comme Quand J'étais Môme, like when I was a kid. And Romain likes Eddie Mitchell a lot. And we're going to keep on going. We still have at least maybe 10 minutes. And then it's going to be Balkan Jamboree. And with Nikolai, maybe. And in the meantime, we're going to listen to three songs. The first one from Charlotte Cardin, who's from Quebec but lives in Paris. The name of the song is Confetti. And it's the French version. And it's from her 2023 album called Une Semaine à Paris. And most of her songs are in English, but some of them are in French too. Because she's from Canada, but from Quebec too. Then we're going to listen to Juliette Armanet with Tu Me Plais. And Tu Me Plais is a play on word because it's spelled play like playing, P-L-A-Y. But in French, when you say Tu Me Plais, kind of like, I like you, you look good. But it's not spelled the same way. And then Alyosha Schneider, who's Charlotte Cardin's boyfriend, husband, companion, I don't know, but a special one. And the name of the song is called Avant Elle, Before Her. And he's explaining that she really matters to him, because before her, he didn't really care as much that he does now. Sorry. All right, on y va. Y'a toujours trop de bruit, pas trop de silence, plus y'a de monde ici, plus vide et dimanche, j'ai plus envie de rester, je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer, mais qui sait, et je pleure dans ma tête, j'ai jamais le cœur à la fête. zombie. I'll die at the party. Yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them come get me, but you'll find my body fully covered in confetti, singing la da da da. Inonde, SOS, salut tout le monde que je déteste. J'ai plus envie de rester, je veux rentrer, je veux rester, je veux rentrer. Mais qui sait, moi je cherche toujours mes mots, mais je les trouve dès que je détourne le dos. Là je voudrais tout casser, ce serait mal, ce serait bien. C'est pas normal, je me retiens, j'enfonce mes ongles dans mes mains. I feel like a zombie, I'll die at the party. Yeah, you'll find my body fully covered in confetti. I'll try calling somebody to tell them come get me, but you'll find my body fully covered in confetti, singing la da da da. Regarde les gens, ils sont fous. Regarde les gens, ils sont fous. Regarde les gens, ils sont fous. Regarde-les, ils sont partout. Regarde les gens, ils sont fous. Dans ce désert, mais c'est chaud. espérer de moi. Passe ton chemin, t'arrête pas. Non, rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. T'embête pas, y'a rien à espérer de moi. Tout me glisse entre les doigts. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Jamais eu si peur qu'on m'abandonne. Avant elle, avant elle. Non, j'ai jamais eu peur de personne. Avant elle, avant elle. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde? Quand ceux qu'on aime nous aiment plus. Est-ce qu'il y a une chose plus triste au monde quand ceux qu'on aime nous aiment plus? Et voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. We just listened to three songs dedicated to Romain. We listened to Charlotte Cardin with Confetti. And after that, it was Juliette Armanet with Tu Me Plais. And Alyosha Schneider with Avoel. And there's only like 2 minutes left, actually close to one. But so I'm going to play... Adèle Cassillon with Impala featuring Video Club, and I'll be back next week. You have a good night. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyer balader, danser tout l'été, monter en Impala, kiffer quand t'es pas là. Si les gens triste, j'en ris, j'oublie que tu existes. C'est fini, sur la piste je twiste. Dans la nuit, il y a du monde, je me fous.